suis venu leur zingue tonique. Signé des mains du maestro Nassif Prince. Au Chambanou Tiger. Signé le trio Magie Studio La Cadence. Bello Drums. La Détachila Tosu Marius. Allez encore dit Longo Oscar. Depuis que tu es en haut, là, ta vie donnée. Sans donner un bon nom. Offre-moi alors une or. Non stress, maman, c'est moi qui paye. À notre santé, bien sûr. On dit quoi, non? Je te vois venir là. Tu sais que je suis marié à Palpou. Allez ça, marier mon œil. Tu ne sais pas que le mari de truie est sucré. Oh, je savais pas. Et si ma femme nous attrape, qu'allons nous faire? Ça fait quoi? Je suis aussi la femme de truie, non? Sa femme de Masayo tranquille. C'est pas parce que tu es à la cafétéria que tu dois problème la femme de Masayo tous les jours. Tu sais que Masayo n'a pas lui les moyens. Pardon Lawa, laisse ça où. Voilà, mais il y a le secret. Je vais pourrir que c'est ça. Ok, t'as mis pour les dégâts. Ikaro la fanena. Amiolo ma wasebi joba batu. Le longo so funda. Imagina me koko sili mambo bende. E bongo mongo. Ga. C'est mambo bende. Owa motaji bange yangweloti na malami. Wa mudango di bange yangweloti na mekupuru wena sopala. Ire jojo mona. Metuwa no volore tarute plein de complications. Fais attention. Tichane tamo eto si plein de piège. Wena sopala. Jeringala. Wena damo jom mamboye. Honorable Jean-Claude Pango, on est là aujourd'hui. We no sopa mucha moto, biki elewa. We no sopa mucha moto, biki elewa. Yenke ite womene sope. Joseph Kotongoma, on en faille. Quand tu avais dit un jour pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. El petit Dieu, la poisson. Aïe, aïe, c'est galambo. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oulala. Ah ouais, ouais. Président Raïs, écoute ça. Du sang et bande à sa majesté, Jean-Albert Mongongi, monsieur le maire. Chassambalo Baron, Jules Matoum, GM. Nakokiko tikate, nzambe, nakokiko tikate. Ata zali mwa sanjore, nakokiko tikate. Mwahire Jojo. Mwase zali sukali, nakokiko tikate. Mouye le mayo, la wale boy, boy. Mouye le mayo. Zenge Tony, Zenge. Zenge Tony, Zenge Wasa. Zenge Tony. Ah, balum, balum. Ah, mouye masa. Minura. Chaton Guadoua, ouais. Timo, moi de Timote. Kami, Nidoli, As-tu Léandre? Écoute ça. Kaka, Minyura. Kaka, kaka, kaka. Minyura. Kaka, Minyura. Mouja, Minyura. Kalazar Obama, wakaka de. Donyua. Ah ouais. Ah, bien sûr. Ah oui, la mienne est sucrée à moi seul. Y'a rien, John John, ah ouais. Kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka. Minyura. J'aime, Jules Mantou, Boulogo Oscar, Force. Ma femme a l'autre vie et sucrée. Mounja Moto, Anyengene Mbamo, Naïmesele.